sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur à ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur à ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut revoir. Best of the Koi sur Énergie. Champion du monde de l'actu, le premier champion du monde, il est à Nantes. Vendredi soir, deux hommes descendent du tramway dans le centre-ville. À ce moment-là, il y a un mec qui les interpelle, dit hey, ça te dirait d'acheter un téléphone portable? Pas de bol, les deux mecs sont des policiers en civil, ils l'arrêtent. Après une petite enquête, évidemment, les policiers se sont rendus compte que le téléphone avait été piqué par le mec quelques minutes avant. Alors celui qui en parle le mieux, j'ai envie de dire, c'est Georges Brassens. Quand on est con, on est con. Deuxième champion du monde. Un jeune homme de 18 ans est venu à l'examen du permis de conduire à Marseille au volant d'une voiture. Oui, vous rêvez pas. Le mec, il vient pour le permis. J'ai entendu celle-là. Au volant de sa bagnole. Alors, c'est pas méchant, il voulait juste faire le malin devant ses potes, sauf qu'il a été interpellé à défaut de permis. La voiture confisquée par les autorités. Il risque jusqu'à un an de prison. Bon, 15 000 euros d'amende et surtout, le pire, interdiction de passer son permis pendant 5 ans. Eh bien, résultat, pour son cas, lui, c'est Jean-Jacques Goldman qui en parle le mieux. Seul. Voici le dernier champion du monde. Allez, il est où, il est là. Avec multitrompette. Une attraction simulant la peine de mort a été retirée jeudi dernier de la foire au plaisir à Bordeaux. C'est pas un truc de cul, la foire au plaisir? Ça fait très Jackie et Michel. Ouais, c'est bizarre, ouais. À la demande de la ville et de l'association des forains. Ah bah non, s'il y a des forains, c'est pas Jackie et Michel. Une attraction proposée pour 1 euro de devenir bourreau et d'assister à l'exécution d'un mannequin sur une chaise électrique qui mimait les secousses d'une exécution. Ah, c'est glauque. Oh, glauque. Je vous ai dit que du bonheur dans cette émission. Je veux pas de glauquerie comme ça. Faut pas rigoler avec les électrocutions. Ce genre d'attraction, il faut les détruire. Moi, je le ferais bien, tiens. J'avais un marteau. Non. Je cognais. Hop, double vanne. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you run? Escucha como digo tu nombre, desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you. C'est le best-of de Coé sur Énergie. Vous savez que les journaux maintenant font depuis des années. Depuis la création des journaux, il faut faire son titre accrocheur. Oui, bah oui. Le titre qui vous donnera envie d'acheter le journal. Voici le top 10 des plus beaux titres de la presse cette année. Alors, il n'y a pas forcément des choses drôles, mais je vous les lis. Elle s'invite à des enterrements depuis 14 ans pour profiter des buffets. Après 35 ans de mariage et 9 enfants, il apprend qu'il est stérile. Oh non! Oh la violence! Pourchassé par un bébé écureuil, il finit par appeler la police. Ah, pas les bébés écureuils! Pourquoi les gâteaux mous deviennent durs et les gâteaux durs deviennent mous? Ouais. Espace, un rappeur lève des fonds pour prouver que la Terre est plate. C'était Kenny West! Jules, il a du temps. Oui! C'était Kenny West! Ouais, bah c'est pareil. Il braque un McDonald's où dînaient 11 gendarmes du GIGN. Le loser. Un zoo du Caire accusé d'avoir peint des ânes pour les faire passer pour des zèbres. Ah non ! Un magicien devient allergique à son lapin. Il va faire apparaître un lapin. Je peux pas, ça me fait gonfler les mains. C'est pas bon. Il est dans le chapeau, mais je peux pas le prendre. Ah, parce que sinon, j'ai les mains qui gonflent. Un couple tente de voler une gondole à Venise et coule avec. Oh non. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vas-y. 12 dromadaires disqualifiés d'un concours de beauté pour avoir reçu du Botox. Ah oui, j'en souviens de celle-là. Ah ouais, ouais. Et ceci dit, ça marche. Moi, j'ai bouffé ce midi à la terrasse d'un resto. Les femmes, des fois, quand elles se mettent trop de Botox, eh ben, elles ressemblent à un dromadaire. Bienvenue sur Énergie. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y'a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin. Si seules quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène, nous tournerons en rond, allez ma peine. j'étais perdu. Tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main. C'est le best of de Koé sur Énergie. Ah, François Hollande, c'est l'info, on l'apprend aujourd'hui. Florent, François Hollande. Florent Hollande. Que certains appellent. La Hollande. La Hollande. François Hollande. C'est pas lui, c'est pour du fromage. Oui. La Hollande. Il est de retour en politique et teste actuellement, paraît-il, une campagne pour 2022. Oula. Ouais. Mais c'était normal. Ouais, non, mais on dit toujours que quand on a goûté au pouvoir, on a du mal à le lâcher. Oui, quand même. Mais là, oui, bon, bien sûr. Mais... Non mais attends, finalement il y a peut-être des gens qui auront envie de se dire bah pourquoi pas, il a pas eu le temps, etc. Tous les partis, tous les goûts sont dans la nature. Il y a des gens qui votent, qui nous écoutent, qui votent pour tout le monde. Mais on fait du beau temps quoi en même temps. On fait du soleil. C'est vrai que pour à chaque fois qu'il était là, il pleuvait. Et bien d'ailleurs, il l'a annoncé à tout le monde. La réaction de son parti politique a été claire. Non, non, n'oublie pas ça. Tu toi, non, ne raconte pas ça. Non. Oh, ils ont pas l'air chaud, hein. La réaction de sa chérie a été. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? François Hollande, rien ne peut l'arrêter. Il en a parlé à son ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Et Jean-Marc Ayrault lui a immédiatement répondu. Bonne idée. Bonne idée. Non, en fait, c'est pas vrai. Il lui a dit. Mauvaise idée. Pourtant, les gens m'avaient dit. Réfléchis. Mauvaise idée. En tout cas, François, il va se lancer. Il a même sa chanson de meeting. The king is back. Ouais, je lui ai prêté. Je lui ai prêté. Ouais, quand même. Ah non, autant pour moi, pardon. Non, en fait, il paraît qu'il en a une autre. Ça lui va mieux. Oui, j'ai encore mouillé. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Gagnez votre enceinte connectée avec le double kit Énergie. Hey, what's up Énergie, c'est DJ Snake. Écoutez Énergie toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec deux titres de DJ Snake à la suite. Appelez Énergie 3937. Et gagnez pour Noël votre enceinte connectée. Amazon Echo pour écouter Énergie tout le temps. Énergie, hit music only. Que vous soyez fan de Transformers ou non, vous allez adorer Bumblebee. Moi j'ai kiffé. Il y a de l'action, il y a de l'humour. Belle histoire d'amitié. Ouais, j'ai adoré. Bumblebee. Le Transformer que j'attendais. Incroyable. Touchant, plein d'action. Super. C'est en mode de années 80. Pour tout public. Bumblebee, le blockbuster événement de Noël. Allez le voir. Demain au cinéma, avec Énergie. Énergie, it's music only, avec Ariana Grande en concert. La superstar Ariana Grande est enfin de retour en France le 27 août à l'Accor Hotel Arena pour le Sweetener World Tour. Attention, concert complet, date supplémentaire le 28 août. Infos et réservations, energie.fr, livenation.fr et point de vente officiel. Ariana Grande, en concert, un événement Énergie. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu? Vous avez 2 heures. Chez Free, le forfait mobile avec 2 heures d'appels et SMS illimités est à seulement 2 euros par mois. Et 0 euros par mois pour les abonnés Freebox.

choqué. Et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai faussé. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs. Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué. De mentir quand je te souhaite le meilleur, sans dire un mot, c'est tourner le dos comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano, tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera, le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi, tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi, je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué. Qu'est-ce qu'on fait? On s'évite, on s'oublie, on se voit, on se confie, on se cache. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle pour de bon, on se dit au revoir. On s'est manqué. Coé sur Énergie. Télévision, Mico, il y avait quoi? Dans Capital sur M6, on a trouvé le chef cuistot le plus vénère du monde qui répond directement en vidéo aux mauvaises critiques. Oui. Trois mauvaises critiques qui peuvent sembler insignifiantes. On lui reproche la taille de ses magrets. Un quart de magret dans le menu. Ou des saveurs trop appuyées. La bergamote prend le dessus et explose le palais. Un magret de canard coupé en deux, grand chef. Si un demi, ça fait pas un quart chez moi. Donc moi je mets un demi et pas un quart. Deuxièmement, la crème au citron bergamote. Bah oui, elle a le goût de bergamote, espèce de trou du cul. Hein, forcément, puisque c'est du citron à la bergamote. Donc moi j'en ai plein le cul. Il est un peu énervé. Moi je le mettrai au service clientèle. Ouais, je pense aussi à l'accueil. Dis donc, espèce de trou du cul. Alors tu veux une table? Ah, il est fantastique, lui. Suivant. Bon, alors sur France 2, dans le journal de Laurent Delahousse, ils ont tenté un live avec Patrick Bruel, sauf que son de merde. Ah. On va retrouver maintenant Patrick Bruel pour le live, pour le direct. Patrick, c'est à vous, tout recommencer. Le direct. Voilà. Voilà. Voilà. À ma place, à ma place. Oh merde. Qu'est-ce que tu ferais que je ne ferais pas de surface en surface? Ah, il n'y a plus de musique. J'en ai loupé des buts et j'ai marqué parfois, ça détourne, ça dépasse. Et puis ça disparaît, un peu comme toi et moi, de guerre lasse en guerre lasse. Voilà, François qui s'appelle Tour, moi, recommencer. J'ai une seule question à poser. Ouais. Bichette, qu'est-ce que tu foutais à France Télé? Tu es des heures. Tu fais des piges? Il s'abatte. Là, tu sentais l'ingénieur du son qui était là. Alors, c'est pas celui-là. Non. Ce bouton-là. C'est pas celui-là. C'est la musique. Plus de musique. Allez, pour terminer. Alors, pour terminer, sur RMC, gros débat sur le tweet de la députée Obono. Un petit peu à cause de toi. Hein. Ah bon? Ah bah ouais. La députée Obono accepte le défi de Coé. Moi, je lui propose d'accepter le défi de la République et d'arrêter de jouer au clown parce que l'Assemblée nationale, ce n'est pas un cirque. Et je lui propose d'être députée pleinement. Si elle souhaite faire une carrière dans un one-man show, j'ai quelques adresses à lui proposer. Je connais pas mal de gens dans l'humour. Sinon, elle laisse la place à des députés qui sont engagés. Bon, vous savez elle peut te demander aussi directement. Vous savez quoi? Elle a raison. L'Assemblée nationale n'est pas un cirque. C'est vrai. Pour autant, Madame Obono, il vous reste deux jours pour placer Bolos. Bienvenue sur Énergie. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. De Koé. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Qui est en couple dans le public, Jeff? Ça va bien, toi? Oh, très dans, bien. Le public. Dans le public, dans l'équipe. Bichette. Oui, moi aussi. Monsieur Bordas. Oui. Avec une femme invisible, on ne l'a jamais vue. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est mais quoi c'est le hashtag du jour? C'est je suis magicien, je peux. Faire apparaître ta femme. Si elle existe vraiment. Miko, non, le sait. Stouff, non plus. Si, bah oui. Ah, ah si, bon si, ah, ça y est, c'est officiel. Elle aussi, on l'a jamais vue. C'est qui vu, hein. Mais c'est personne. C'est incroyable. Vous êtes en couple avec des. Oui, vous pouvez vous moquer du japonais, vous avez tous des femmes virtuelles. Mais nous, on les protège, nous. Bien sûr. Ça veut dire qu'on le connaît. Hein. Comment? Ça veut dire qu'on le connaît. Elle nous dirait que. Bien évidemment que oui. Voici les 10 principales raisons de dispute dans un couple. La vie n'est pas facile. Non. Les couples, des fois, se disputent pour rien. Dixième position, les retards. Ah, alors ça, mais ça, je peux comprendre. Moi, je ne supporte pas les retards. D'ailleurs, perso, je ne suis jamais t'es en retard. Non, c'est vous qui êtes en avance. Et ça, je n'aime pas. Et ça, je n'aime pas. Ensuite, neuvième, la jalousie. Oh là là, ah là, oui, c'est sûr. Oui, bah oui, oui. Évidemment, ce serait beaucoup plus sympa dans un couple si la jalousie était un sujet de rigolade. Dis donc, c'est qui cette traînée qui t'envoie des messages? Ta maîtresse? Oh, quel déconneur tu fais, bébé. Bon, ça se passe pas comme ça. Huitième position, la belle famille. Gros sujet d'engueulade, la belle famille. Ça dépend.

Même à des gens qui vivent dans l'aisance, ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge d'essence. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchance des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. C'est le best of the Koï sur Énergie. J'ai maintenant le classement des signes astrologiques les plus drôles et les moins drôles. Est-ce que vous voulez, je vais du plus drôle au moins drôle? Oh non, du moins non, drôle. Non, l'inverse, drôle. L'inverse. Le moins drôle? Oui. Alors le moins drôle, je suis désolé. Capricorne. Ah. Il paraît que l'humour n'est pas votre fort, les Capricornes. Vous êtes lunatiques en cas de mauvais jour. Vous aurez beau essayer, rien y faire, il ne rira pas. Je crois que c'est Bordaski, Capricorne. 11e balance. Il apprécie l'humour subtil, les mots d'esprit, mais comptez pas sur la balance pour enchaîner des blagues. C'est pas moi qui ai écrit ça, hein. On l'a trouvé sur internet. Vierge, en 10e, réservée, droite, la Vierge n'est clairement pas le plus marrant des signes du zodiaque. 9, Cancer. Ah, c'est bon. Le sens de l'humour du Cancer est très instable. Il peut aux éclats toutes les blagues moyennes un jour et rester de glace face aux meilleures vannes le jour d'après. Oui. Verseau, voilà. Qui est Verseau? 8e, il peut vous faire rire grâce à son esprit affûté et sa capacité à retenir des histoires ou des extraits de films. 7, Poisson. Il est plus spirituel que bout en train. 6, Bélier. Il manque souvent de tact et parfois peut blesser les autres avec une vanne. 5e, Scorpion. Drôle, mais l'humour du Scorpion est corrosif, acéré, voire cruel. 4e, Sagittaire. Très bon public. Il est moqueur aussi, pas au goût de tout le monde. 3e, Lion. Il aime rigoler et comme il est le centre du monde, il aime aussi faire rire. Et enfin, les deux premiers. 2e, Taureau. Allez! Ce sont les blagues graveleuses qu'il préfère. Bah, tiens, oui, oui, oui. Ah, bah voilà! Et premier Gémeaux. Hey, bravo mon Jeff, doué pour les jeux de mots et les imitations. Vite une imitation. Manger les pommes. Incroyable. Et Taureau, ce sont les blagues graveleuses qu'il préfère. Moi, je suis de n'importe quoi. Si on aime bien. Mais non. Si on aime alors bien. Ça, je trouve ça naze. Dans un instant, la compile des toilettes. Restez avec nous. 17h-20h. C'est Koï sur Énergie. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for second. With your play, you just can't help it. Oh, no, you'll play a

sign your name upon it. I put it in my wallet, hoping I see your face again. 17h-20h, c'est le Best of the Koi sur Énergie. Oui, allô. Bonjour, serait-ce le centre Speedy? Oui. Quel est votre prénom? Manuel. On va applaudir Manuel pour démarrer. Bonjour Manuel. Oh, je m'appelle Koi, on est sur Énergie, comment ça va? Ça va super bien. C'est Manuel ou Emmanuel? Non, c'est Nolwenn. Nolwenn. Ah bah oui, ah, j'étais à l'ouest alors. Rien ah, à voir. Voilà. Nolwenn, c'est beaucoup mieux. Comment ça va ma petite Nolwenn? Ça va super bien. Nolwenn, oui. C'est important maintenant ce que je vais te dire, Nolwenn. On a besoin de toi. Nolwenn, j'ai besoin de toi. Nous sommes de retour sur Énergie. Il faut que ça se sache. Les gens commencent à le savoir, mais tu sais, c'est long. Hein, faut changer les habitudes, tout ça. Oui. Et donc, on sollicite tous les gens qui ont éventuellement un micro dans le magasin pour parler dans le micro et dire que... Alors, nous moi, j'ai pas de micro, mais je peux crier fort. Ah, c'est énorme. Attends, tu n'as pas le fameux micro qui fait... Sylvain est demandé. Non, même pas. Non, on est dans un petit garage. D'accord, un petit speedy. Voilà. Un speedouné. Un speedoudé. Speedoudé. Je vais te donner le texte. Tu es prête? Oui. Tu le feras à voix haute, alors, en hurlant. Ah, mais elle a une petite voix, comment ça? Eh bien, elle va crier. Tu peux crier? Oui, je vais essayer. Voilà. De 17h à 20h. Ouais. Écoutez Koé sur Énergie. Ouais. Je te laisse écrire. Et ensuite, et là, tu me fais le truc classique. Va donc chez Speedy. Babadouba. Ça, c'est pour moi, le Babadouba. Tu peux où? Obligé de le rajouter. Babadouba. D'accord? Ça marche. Prête, attention. Je veux entendre dans le magasin. D'accord. J'y vais? Il faut que tu écartes un peu le téléphone quand on se rende compte que tu cries fort. Alors, ça marche. Ok, c'est parti. Go! Alors. De 17h à 20h, écoutez Koé sur Énergie. Va donc chez Speedy. C'est bien, c'est très bien. À Saint-Grégoire, à côté de Rennes. Allez leur faire un bisou si vous avez besoin de faire des trucs sur votre voiture. Gros bisous, t'embrasse toute l'équipe pour nous. Oui, ça va, ça suffit. Je t'embrasse fort, t'es adorable, ma petite Nolwenn. T'es avec vous, vous n'avez pas besoin de micro finalement. Bisous Nolwenn, adorable, j'embrasse tout le monde du côté de Rennes. Quand je pense que Pietre, qui n'est pas là avec nous, mais qui est l'auteur de l'émission, hein, qui bosse avec nous dans les coulisses, c'était lui qui avait créé ce gimmick et je l'avais embauché là-dessus, où c'était un mec qui rentrait chez lui du bureau et qui faisait va donc chier Smitty. Voilà. Et ça m'avait beaucoup fait rire. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie

20h, c'est le best of de Koé sur Énergie. Oui. Ça va, Olali, tu es en forme? Oui, ça va, je suis en forme. Et il y a deux, une fille et une fille et un garçon. La fille s'appelle Lysia. 5 ans et demi, ça va, Lysia? Lysia. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Elle a dit bonjour, mais de loin. Ah non, alors là, j'en ai rien à foutre. Je veux un bonjour de près. Alors là, les bonjours de loin, ça ne ça compte pas. Attends, je vais lui parler, moi. Bonjour, ma petite Lysia. Oui. Ça va, Lysia? Oui. Oui. Tout va bien? Oui. Ça va pas être pratique pour tu, le jeu. Tu as fait ta commande au Père Noël? Non. Ben pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Parce que. On a pas reçu de catalogue. Pas reçu de catalogue. C'est bizarre, tout le monde l'a eu. Oh, il n'y a pas encore le catalogue. Et oui, le Père Noël envoie son catalogue en théorie à cette période de l'année. Oui. Au moins eh bien, novembre, ça va. Je vais te révéler un secret, ma chérie. Non, coucou, écoute s'il te plaît. Bien. Quoi? Ah, tu vas dire quoi? Le catalogue arrivera dans les jours qui viennent. S'il te plaît. Ah, la mère, elle s'est fait dessus, là, Aurélie. Aurélie, elle a perdu 2 kilos. Moreau, il a eu les cheveux qui sont tombés d'un coup. Il s'est dit, il va pas me lire quand même. On appelle pour gagner une télé, il va pas nous niquer. Et il y a Gabriel qui est dans la voiture qui nous écoute, mais qui a 2 mois. Donc, c'est à lui que commencera la première question. Non, non. Il n'y a pas de Franck, c'est dommage. Non, et pourquoi? Franck Ribeiro. Le petit Franck. Franck Ribeiro, c'est vrai que c'est. Bon, voilà. Vous êtes prêts, vous m'écoutez? Ouais. Alors, on commence. Question maman, question papa, question pour toute la famille. Dès que je la retrouve, ça arrive. Question pour papa. J'ai chaud aux oreilles, c'est moi ou il fait chaud? J'ai chaud aux oreilles. J'ai chaud aux oreilles. C'est très bizarre. Hein? C'est ton casque. J'ai chaud aux oreilles. Quelqu'un m'a mis un casque chauffé ou m'a mis un radiateur dans le casque? Qu'est-ce que chauffant? Je te jure, j'ai chaud aux oreilles. Alors. Ce mec est bizarre. Monsieur Moreau? Oui. On y va. Fraudé. Quel est le score du match Marseille contre Paris? Celui d'hier, 2-0. Ah, évidemment, pas celui de 78. Ah, celui d'hier, 2-0. Bravo, bravo, un point. Bonne réponse. Question pour la maman. Cite-moi 3 séries policières qui passent à la télé. Les Experts, NCIS et puis Esprit Criminel. Très bien, très bien. Bravo. Je valide, bravo. Je valide. C'est validé. Alors, question pour... J'ai même pas la réponse, moi. Ah bah, si, ça va être facile. Ah, si, si, si, si. Ah, si, si, si. Lysia? Qu'est-ce que tu veux? Lysia? Dis-lui si elle gagne pas la télé. Lysia? Il va craquer. Si jamais tu gagnes, tu fais gagner une télé géante pour toi dans ta chambre, par exemple, d'accord? Non, peut-être pas. Si, si. Si, si, c'est pour la petite. Moreau, donnez-le dans sa chambre. C'est nous qui choisissons. Oui, oui, c'est sinon, j'ai un... sinon, j'ai un secret à balancer. Comment? Non, non, je vais raconter. Non, non. Hein bon. Non, elle ira dans sa chambre, la télé? Oui, oui, oui, elle ira. Voilà. Lysia, écoute bien. Qui chante pour oublier? Pour oublier. Comment? Vas-y, répète, Lysia. Kenji Chirac. J'ai entendu Jacques Chirac. Non, pareil. C'est donc pareil. Kenji Chirac. Lysia. C'est... Chirac. J'ai dit quoi? Chirac. Kenji Chirac. Oui, oui, bien sûr, c'est un mélange des deux. Il remonte son pantalon jusqu'en haut. C'est gagné, ma chérie. Bravo. La famille Ribeiro. On vous envoie la télé chez vous à la maison. Et comme l'a dit le responsable de cadeau, il a dit c'est une télé LED, mais qui est très belle quand même. Vous l'aurez chez vous à la maison. Je vous fais des gros bisous, d'accord? Un bisou à vous, merci beaucoup. Bisous papa, bisous maman. Vive le Portugal. Bisous à toi, bisous à l'équipe. 17h-20h, c'est le best of de Koé sur Énergie. something right or wrong for two. Oh honey, I do everything for you. Everything for you. You give me butterflies. You feel like paradise. Oh, hey, we should sneak away. I want you to be more normal. Best of the Koi sur Énergie. Il y a un appel, depuis tout à l'heure, Guy Claude au standard me dit il y a quelqu'un qui a appelé à peu près 12 fois. Il faut. C'est. Encore en 2 secondes avant qu'on dise. Ah, je suis sur le HUC. Avant qu'on dise bonjour. Non, franchement, la personne appelle, donc j'ai décroché, et je pense pas qu'elle a entendu que j'ai décroché. Et elle était en train de gueuler. Franchement, les oignons, vous les foutre dans le cul. Voilà, vous n'étiez pas obligé de finir ta phrase, on avait compris, on se les mettait les oignons. Voilà. Et donc. Mais elle parlait pas à nous. Non, elle parlait à d'autres gens, donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Elle dit ouais, c'est des gens qui m'envoient des messages. Et donc elle a appelé plusieurs fois, mais voilà. Alors Guy Claude est embêté parce qu'il n'a toujours pas compris pourquoi la personne appelait. C'est bizarre. J'appelle, je vais régler. On la rappelle. Mais bien sûr, on a d'accord. Le prénom. Oignon. Alors, j'ai eu deux prénoms, j'ai eu Christine, j'ai eu Marie. D'accord, elle a deux prénoms. Marie-Christine peut-être, non? Oignon. Allô? Oui, Koé. Oui, bonjour, Marie-Christine. Bonjour, ça va? Ça va mon coco? Ça va bien? Ouais, tu vas bien? Oui, ça va super, toi. Et t'es en forme? Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'oignon, Marie, Christine? Non, je sais pas, j'étais toute seule, c'est pour la vanne, quand t'aimes pas un mec avec Schtroumpfette, là, je trouve. Schtroumpfette, ma petite Schtroumpfette préférée. Bon, ouais. Je parlais toute seule. Moi, un mec, quand je lui dis « va chier », ça veut dire « tu m'emmerdes ». Oui. Quand je lui dis, un jour, j'ai fait un mec à l'hôpital, un infirmier, il me faisait chier. Alors, il m'a dit, tu gardes le repas, tu gères tout, on a une offre. Ok. Alors, il y avait de la purée, le mec, je lui ai dit, de la purée, plein de poivre sous l'assiette. Il s'appelait Patrick, l'infirmier. Ouais. Je m'en souviens, il va se rappeler de moi si longtemps. J'avais mis plein de poivre sous l'assiette, mais vraiment, j'avais fait la totale. Je crois que j'avais vidé la poivrière au-dessus de l'assiette. Marie, et ça fait beaucoup. Je te jure, je suis dingue. J'avais mis du beurre. Ah ouais, par rapport avec la Schtroumpfette. Comment? Marie, j'ai pas souvenir d'avoir posé une question. Mais vas-y, pose. Non, mais... Pose ce que tu veux. C'est qui la Schtroumpfette? C'est elle. C'est Schtroumpfette. Hein? Petite brune. Stouf. Ah, Stouf. Ah, la Schtroumpfette. Je m'appelle ma Schtroumpfette, moi. Elle est petite pour moi, Stouf. D'accord, mais alors ça ne me dit pas qui. Qui de. Comment? Mon chat me bouffe la gueule. Ton chameau te bouffe? Le chat. Ah, le chat. Ton chat te bouffe la gueule. C'est Marcel qui fait le con. C'est pas un chat, c'est un tigre que j'ai chez moi. C'est mais ça ne me dit pas ce que tu voulais faire avec les oignons. Les oignons? Je voulais foutre des oignons à quelqu'un. Ah, des oignons! Des oignons et des oignons. À qui? À Patrick? Non, pas Patrick. Il y a des gens, j'ai envie de leur foutre des oignons. Une bonne gauche, ça leur ferait du bien pour Koé. J'allais dire Polo. Enfin. Tu peux m'appeler Polo si tu veux. Polo, ça me dérange pas. 17h20, c'est Polo sur Énergie. Voilà, bien sûr. Coco, t'inquiète, Coco. Pas de problème, Polo. T'inquiète. Des fois, j'ai envie de leur foutre une bonne gauche. D'accord. Une bonne gauche. Moi, la principale, ce que je voulais savoir. Alors, le poivre avec Patrick. Alors. Ouais. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que tout va bien? En ce moment, moi? Oui. On bloque mes comptes, j'en ai ras le cul. Oh merde! Ah non, ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas cool. Les comptes bancaires sont bloqués. Trop de dépenses? Bloqués. Comment? Ah, ça commence à bloquer. Bloqué. Et là, je suis bloqué, quoi. Tu vois, là, j'ai les jambes. C'est plus les jambes, c'est le squelette et les vers de terre. Attends, écoute, quoi. Je n'ai aucun propos. Excusez-moi, monsieur le pape. Désolé, quoi. Le pape. Monsieur le pape, désolé, quand on est mort, on n'est pas réincarné. on n'est pas réincarné. Donc, d'où on est passé de ça? Moi, j'ai eu un oncle réincarné. Ouais, ouais, ça fait mal. Fait mal. Écoutez-moi, les gars. Maillard, elle a 52 ans, la Maillard. Ouais. Elle est vivante. Bah oui. Elle est vivante. Et je te, bien sûr. I-V-A-N-T-E. Là, je suis en train de vivre un moment où je me dis comment je me sors de la conversation. Ah, attends. On préfère toujours se dire que ce sont les autres qui boivent trop. Non, je ne l'ai pas bu, Koé. C'est pas moi, c'est Michette. Non, ah. Non, mais j'ai bien compris que tu buvais pas. Attends, non, je non, Michel, tu vous aimes pas. Bon, voilà, moi je voulais savoir si tout allait bien, c'est le principal. Ah, j'ai vu, c'est Michel. Michaud, c'est Michaud. Ah, c'est ça. Non, Bichette. Bichette et Mico. Ils vous aiment pas, Bichette. Bichette et Mico. On va y aller. Hein. Elle a fait un mix entre nous deux. Ah, on va y aller, Marie. Marie, je te fais un bisou. Coco. Oui. Oui. Refais-moi la même blague le 24 décembre comme tu m'as fait avec Thibaut. Ouais. Avec Thibaut, tout à fait. Bien sûr. Dans le 6-9 sur Énergie. Dans le 6-9 sur Énergie, oui, c'est vrai que j'ai ouais, fait. Ouais. J'étais à 8 heures en chausson le 24 ah bah oui. le 24 décembre en pyjama dehors sous la flotte. Alors Thibaut me fait. Il était avec l'ancienne standardiste de Manu. Manu Chambras sera nous aussi Pauline, Isabelle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu diras aussi à Valou, j'avais dit Valou. Mais quoi, je crois que c'est l'heure des Médocs là, non? Comment? C'est pas l'heure. Tu rigoles, Coco, hein? Tu rigoles, Coco. Alors, donc, c'est quand je faisais le 6-9 sur Énergie. À l'époque. Oui. Voilà, c'est ça, bien sûr, quand ça. Je triplais le salaire, parce que maintenant, il est manu le double, moi, je le triplais. Ouais, tu le quadruplais. Ah, tu peux pas me doubler de 50 euros, Coco? Non, je rigole, Coco. Allez, Coco. Oui, Coco, réponds, Coco. Je suis gêné. Allez, Coco. Oui, va falloir y aller. Hein. Ma frite et ma friture. C'est très abstrait quand même, cette conversation. Non, non, mais il va se reconnaître, tu as énergie ma frite, ta bouteille de whisky à Manu. Ah, mais tu s'expliques. Je vais y aller. J'ai plus. Ma chérie, j'ai pas le wifi pour Google Traduction, je te jure. Je te fais un gros bisou. J'ai toujours pas compris pourquoi l'appeler. Je te fais un bisou. On t'embrasse. Manu t'embrasse. Tout le monde t'embrasse. Toute la maison t'embrasse. D'accord. Tu dis à Manu, à Valentin que je les aime vraiment. Valentin et Thibaut, que des mecs que je connais pas. Je les embrasse tous. Bien sûr. Et attends. Ouais. Ouais. Franchement, ouais. Franchement, Coco. Ouais. Les stations des sauts. Hein? J'ai pas compris. Les stations des sauts. Les stations de service. Ouais. Bienvenue sur Énergie, merci d'être là. C'est lunaire. Hein. Elle est gentille, mais elle est moche. Non, arrête, 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Big Flo et Oli. Tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, on disait, plus tard. Best of the Koi sur Énergie. Angèle est avec nous. Voici un spécial Louane Murphy. L'enchaînement des galères, en gros, la Louane Murphy. C'est ça, pour faire simple. C'est Je vais te donner des cas qui sont vraiment arrivés. Il n'y a pas d'invention. Okay. Tu vas me dire si ça s'arrête là, mm-hmm, ou si ce n'est pas fini, il y en a encore derrière. Est-ce que vous connaissez Yutsumo Yagamushi? Absolument. Non. Yutsumo Yagamushi était en voyage d'affaires à Hiroshima. Jusque-là, tout va bien, sauf que c'était le 6 août 45. Donc, il prend la bombe nucléaire sur la tronche et perd l'usage d'une oreille dans l'explosion atomique et souffre de sévères brûlures au visage. C'est super cool. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Bah, j'imagine que non. Ce serait trop simple, le jeu. C'est pas fini? Ah, je sais pas. Non. Non, c'est non, pas fini. Il rentre chez lui. Ok. À Nagasaki. Oh non! Mais non. Pile au moment où la seconde bombe est larguée. Ah bah, bonne nouvelle, cette fois-ci, il n'a pas été touché. Ah. Est-ce que c'est fini? Non. C'est pas, j'en sais rien. Non. Non. Non. Elle essaie sur plusieurs tours. Il a attrapé une leucémie, le pauvre, derrière. Oh ouais. Mais tout va bien, il est décédé de sa belle mort à 93 ans. Quand même. Oh la vache. Il a pas eu de bol. Hein. Mais si, si. Ah, si, dans son. Ah, si. Quand t'es chopé à deux bombes nucléaires. Si, c'est que t'as de la chance. T'as du cul. Ouais. On continue. 1962, c'est Lac. Un professeur croate prend le train pour Dubrovnik et le train déraille, tombe dans un fleuve, mais il s'en sort. Quelques années plus tard, il prend l'avion. Évidemment, l'avion s'écrase, 19 morts, mais il s'en sort. Oui. Est-ce que c'est fini? Disons que non, pour continuer. Eh bien non, l'histoire ne s'arrête pas là. Trois ans plus tard, il prend le bus quitte la route et tombe dans le fleuve. Quatre morts, oh là là. Mais lui s'en sort. Oh la vache. Mais il a chkoumoun sur les autres, lui. Est-ce que c'est fini? Oui. C'est ton dernier mot? C'est... Oui. Oui, sera mon dernier mot. Eh bien non! Ah! En 70, la voiture dans laquelle il se trouve quitte la route et explose après des tonneaux. Mais non! Mais il réussit à s'échapper de l'habitacle avant le moment fatidique et avant l'explosion. C'est pas possible. Est-ce qu'il parle du livre des records? Le mec qui a le plus... Ah ouais. Mais surtout, la question que je pose, c'est est-ce que c'est fini? Non! Je sais pas. Eh bien non! Ah. En 73, il est à bord d'une autre de ses voitures. La voiture explose à nouveau. Il perd tout son cuir chevelu, mais il s'en sort vivant. C'est pas possible. Ah. Voilà. Est-ce que c'est fini? Disons oui. Eh ben ouais. Non, non. En 93, il passe sous les roues d'un bus. Oh, et le mec, non, mais non. Et le mec, il s'en sort. Non. Il est incroyable. Je sais pas comment il s'appelle, monsieur. Défi à la mort. Monsieur, c'est là qu'on vous applaudit. Ouais. Si vous l'écoutez. Il est fait en quoi, le gars? C'est l'art. Oh, et j'en ai une dernière. J'en ai une dernière et après on chante. Enfin, surtout toi. Mélanie Martinez, vous connaissez? Non, non, pas du tout. Habitait dans une jolie maison, pas de chance, l'ouragan Betsy l'a détruit en 65. Elle reconstruit sa maison, mais en 85, l'ouragan Juan détruit sa maison. Est-ce que c'est fini? Non. Non, je ne sais pas. Eh bien non. Ah. En 98, l'ouragan George détruit sa maison. Trois fois. Oh. C'est dur. Est-ce que c'est fini? Oui. Non. En 2005, c'est l'ouragan Katrina qui redétruit sa maison. Mais non, elle a toujours une maison neuve, c'est cool. Est-ce que c'est fini, mec? Là oui. Quatre fois. Ouais, là quand oui. Même. Ouais. Eh bien, écoutez, après, on a eu des histoires folles. Son histoire a commencé à se savoir. Sa maison en banlieue de la Nouvelle-Orléans fut choisie pour une opération genre je construis ma maison, genre les maçons du cœur, ils lui ont reconstruit sa maison. Elle a une maison toute neuve. C'est bien, non? Ah, ça, c'est bien, bien, bravo. Jusqu'au 29 août 2012, l'ouragan Isaac arrive et détruit la baraque. Non, mais non. C'est horrible. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est ça, les amis. La loi de Murphy, c'est ça. Quand ça veut pas, Elle est notre invitée, elle s'appelle Angèle. Allez la voir au Trianon le 23 novembre, dans quelques jours, et à l'Olympia le 13 mars 2019. Et moi, je te dis, l'année prochaine, tu seras dans Révélation francophone, ou peut-être meilleur artiste francophone. Et tu gagneras. On croise les doigts. Mais c'est gentil. Non, bah attends, on est dans un an. On va déjà s'occuper de ceux de cette année. Ça lui laisse un an, ça lui laisse le temps de faire l'Olympia, tout ça. Tu es prête à chanter ? Oui, je suis prête. Allez, on y va. Ah, tout le monde se. Et quoi, au fait, qu'est-ce que tu fais pendant le couplet du frangin ? Je fais semblant. Le frangin n'est pas là, donc le frangin chante. Alors, Coé a quelque chose à te proposer. Ah. Ouais. Moi, je chifoumise pour les invités qui s'en vont. C'est-à-dire que Louane, la dernière fois, chante avec Julien Doré. Ouais. Elle est venue sans Julien Doré, donc il y a tout un couplet où elle se faisait clairement chier. Donc, je propose un chifoumi qui est extrêmement sain. Tu vois, tu fais un. Ah oui, nous, on appelle pas Pierre-Papier-Ciseau. Pierre-Feuille-Ciseau. Papier. Alors, est-ce que tu mets Pierre-Feuille-Ciseau ? Est-ce que tu fais Pierre ? Tu fais quoi, toi ? Pierre, papier-ciseau. Est-ce que tu fais puits ? Il n'y a pas le puits. Non, il n'y a pas le puits. Bon, ok, donc par exemple, faisons une répétition. Pierre, papier, ciseaux. Ok, donc là, on a fait ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Ok, feuille. Oh, dis donc, on est très synchro. Pierre, papier, ciseaux. Voilà, et donc là, tu auras entouré la pierre. Donc, ce que je te propose, pendant la partie tout à l'heure, je vais arriver pendant que tu ne chantes plus, pendant que tu es en RTT de la chanson. Mais mon frère est là, quelque part dans. Virtuellement, oui. Oui, mais il est virtuellement. Mais sa voix est. Alors, sa voix sera sur énergie, tout le monde l'entendra. Et pendant que tu seras en mini pause, on fera un mini pierre feuille ciseaux. Je t'invite pendant par contre la chanson à ne pas faire pierre feuille ciseaux. Ouais, le dis pas. Vous savez que c'est à trois. Putain, tu mets un exercice en plus quoi. Première fois, ok. Vas-y, énergie dans l'émission avec moi et on fait un pierre feuille ciseaux. Ça va? On rajoute autre chose? C'est parti. Je vais rajouter des clous au sol. Rajoute des clous. Tu pouvais danser. Il a dit qu'il savait pas chanter. Danser un peu, il chantera pas. Toi, tu filmes ? Je filme pour mettre sur toi, les réseaux. Il y a des caméras partout. T'es heureux, toi ? Ah, je suis heureux, ouais. Tu kiffes, hein ? Je kiffe. Mais dis, vas-y, je te laisse 10 secondes. T'es fan d'elle, dis-lui. Moi, je suis fan de personne, mais j'admire beaucoup son travail. Dis-lui, j'admire beaucoup son travail, c'est juste ça. Je te mets 10 secondes de bonheur. 10 secondes, vas-y, fais-toi plaisir. Mais c'est terrible. Eh bien, écoutez, Mademoiselle Angèle. Mademoiselle Angèle. Je dois vous dire que j'admire beaucoup votre travail. Et c'était très cool, je comprends que t'es pas fini. Vas-y, c'est quoi la fin? C'est fini. Voilà. C'est quoi la fin? Ouais, c'est bon, c'est fini. C'est pour ça que t'as pas de bon. Bandas sur Malaise Radio. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Mama

you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're a sunflower, you're a sunflower. C'est Coé sur Énergie. Le principe, c'est qu'il se passe quelque chose, vous n'osez pas le dire, et moi je le gère pour vous. Je t'écoute, Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, je t'explique. Moi, je suis avec Johan, en fait, c'est mon meilleur ami, on est en colocation. Ouais. Et le problème, c'est que c'est le roi du bordel. Je pense que ça n'existe pas plus roi du bordel. Si, il y a Pierre aussi. Franchement, je pense que lui, c'est vraiment le roi. C'est incroyable. Oui, mais excuse-moi, mais le bordel, c'est pas très grave. Il suffit de lui dire range, puis c'est réglé. Après, il y a des bordels qui se rangent pas. Non, mais lui, il va trop loin. Par exemple, t'as déjà vu un bordel où, en fait, dans la cuisine, sur la plaque de cuisson, c'est du tabac à chicha. Quand tu cuisines, par exemple, ben, en fait, tu vas faire, je sais pas, moi, tu vas faire des pâtes, ben, tes pâtes, elles auront un goût de menthe-pomme. Ça varie, c'est bien. Oh, il aime la chicha menthe-pomme, on peut pas lui en vouloir. Je pense que c'est moins nocif dans des pâtes. Oui, c'est vrai. Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, par exemple, je suis rentrée, il n'était pas là. Et en fait, il a fumé la chicha comme un fou. Et en fait, il a fermé toutes les fenêtres. Du coup, je suis rentrée, j'avais l'impression que j'étais dans la chambre de Snoop Dogg. C'est énorme. Et alors, on va faire tous les problèmes. Donc, c'est le bordel. Il range pas, il ne nettoie pas. Mais c'est même pas qu'il nettoie. Non, mais il croit que, en fait, nettoyer, c'est ranger juste les coussins du salon. Ouais, mais non, mais ça veut dire que s'il enlève pas son tabac à chicha, ça veut dire qu'il nettoie pas la cuisine, il passe pas la petite balayette là. Mais il fait rien. Ouais. Non, mais il fait vraiment rien. Ça veut dire qu'en fait, le mec, il lave pas ses serviettes, et comme il peut pas les laver, du coup, il s'essuie avec le rideau de douche. Tu te peux t'essuyer qu'un rideau de douche? Et c'est en plastique. C'est en plastique, un rideau de douche. C'est ça colle. Mais oui, tu peux pas. Après, il attend 5 minutes pour qu'il sèche. Oh, t'imagines ça là-bas. Vérifie, c'est peut-être torché avec le rideau de douche. Ouais, il se brosse les dents avec la brosse à chiottes aussi, peut-être. Non, arrête. Il n'y a pas de petite économie. Hein. Non, mais attends, c'est le moment de dire tous les problèmes. Alors, donc, le rideau de douche, ok, il nettoie pas. Mais est-ce que lui, par exemple, corporellement parlant, ça va? Franchement, en fait, c'est tellement dégueulasse que lui, je fais même plus attention. Ah, il se lave pas non plus, donc pas beaucoup. Bah, comment tu veux te laver quand t'as, en fait, on va dire 10 cm d'eau, mais de l'eau sale. Oh. En fait, l'eau, elle passe plus. Mais attends, mais toi, tu te nettoies où? Moi, je vais, en fait, ma meilleure amie, du coup, je vais me laver chez elle. Je supporte plus, je peux plus. Je peux même plus me mettre en short, tellement, en fait, c'est trop. Je nettoyais derrière lui, mais là, c'est trop. Les amis, je crois qu'il faut que l'on s'en charge avec tact, diplomatie. Vous connaissez le problème? Là, Koé, tu sais ce qu'il fait? Non. Tu sais que j'ai plus de vaisselle dans la cuisine. Fais vite, on va la voir. Vite, vite. Et vaisselle dans la cuisine, tu sais, il mange, il y a des résidus de bouffe. Oh, quel dégueulasse, il est en ligne. Allô, Johan? Ouais. Quand on parle de lui. Yo, quand on parle du loup. Johan, bonjour, je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Comment ça va, Johan? Salut, ça va, et pour regagner quelque chose? Alors, rien du tout, Johan, absolument rien. Johan, alors bon, le principe. Johan, bienvenue dans notre nouvelle émission. Toi aussi, ça peut être propre chez toi. Johan, c'est une nouvelle émission que nous organisons. Et sache que si tout est nickel chez toi, si tu réponds bien à mes questions, tu peux gagner un cadeau de dingue. Comment? C'est en enregistrement, tu n'as rien à craindre, nous ne sommes pas en direct, d'accord? Attention, ouais, première... C'est pas une blague vocale. Pas du tout, c'est pas une blague vocale. Vas-y, demande-moi l'heure. Il est quelle heure? 10h15. Alors, 19h39. Oh là là, c'est une blague. Humour, rigolade, Coé sur Énergie. Attention. Voici la première question. Sache que tu es dans notre nouveau jeu. Chez toi aussi, ça peut être propre. Première question. Est-ce que vous nettoyez régulièrement votre maison? Ouais, moi je suis en coloc, on la nettoie à deux. Mais plus l'autre ou vous? Tous les deux, c'est partagé. Tous les deux, c'est une bonne réponse. Bravo. Est-ce que vous nettoyez régulièrement dans la cuisine des petites choses qui traînent et qui peuvent éventuellement arriver dans les poils? Pas les poils de l'homme, les poils à pourrir. Bah après, il y a... Ouais, non, mais c'est partagé. Des fois, ça m'arrive de la faire et des fois, ça arrive à ma coloc de la faire. Très bonne réponse. Et troisième question, est-ce que vous fumez la chicha, la pomme? Ouais, mais il faut que j'arrête. C'est pas bon, bien sûr, faut arrêter. Ouais. Voilà. Je pense à la fraise. Très bien. Dernière question. Red Bull. Est-ce que vous vous essuyez toujours avec des serviettes? Ah ouais, avec quoi vous voulez que je m'essuie? C'est une question. Elle est ouverte. Ouais. Je laisse la imagination. Oh, avec quoi peut-on s'essuyer autre qu'une serviette? Avec un drap. Avec un drap. Non. Oui. Non. Normalement, non. Je pensais pas à ça, mais en cas de force majeure. En cas de force majeure, avec le rideau de. Bah non, on peut pas avec un rideau de douche. Bah alors, on ne peut pas, absolument. Et pourtant, Sarah nous dit que tu le fais. Ah ouais, Sarah dit ça? Oui. Ah ouais, avec, quand elle a dit ça? Il y a 5 secondes, Sarah, vas-y, parle-lui. Allô? Oui. Oui. Allô? Tu es sérieuse, là? Ouais. Bah oui. Tu veux m'afficher? Non. Non. Bah non, je t'affiche pas. Mais tu t'es regardé un peu, non? Ce que tu fais, toi? Attends, on va peut-être apprendre des trucs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de mal? Tu veux balancer des dossiers? Vas-y, qu'est-ce qu'elle fait de mal, Johan? Vas-y, ouais. Tu as raison, venge-toi, c'est normal, bah, c'est l'échange, c'est 50-50. Déjà, à chaque fois que je me fais à manger, elle parle de la cuisine, je trouve des cheveux dans ma bouffe. Oh. Oui, mais une bouffe qui a un goût chicha pomme. Oui. Non, mais c'est, on a toujours ce même problème avec la chicha, mais sinon, ça colle, par exemple, la colle de sa cire. Mais pourquoi dans la cuisine? Attends, j'ai pas compris la cire. La cire, c'est quoi? C'est sa cire à épiler dans la cuisine. Elle en est partout, dans les casseroles, partout. Eh, mais il est dans quel état, l'appart? Envoie-lui des photos. C'est moi qui ai une moquette de l'installe. C'est moi qui ai une moquette de l'installe, c'est toi? Une moquette? Une moquette. Ouais, mais c'est normal, parce que j'avais pas encore acheté la lessive, il y a rien. Ah, t'as pas encore acheté la lessive, t'as raison, tu stockes. Ouais, et on a, il y a un truc qu'on n'a pas posé. Les toilettes dans tout ça. Oh non. Dans quel état sont-elles? Bah, moi, non, mais la brosse à caca, on l'a acheté, elle était blanche, là, les marrons. Brosse à caca. Ah ouais, c'est comme ça. Mais j'avais entendu ce mot. La brosse à caca. En même temps, ma chérie, une brosse à caca, ça s'achète blanc, mais ça reste très peu longtemps blanc. Oui, ah ouais, c'est oui. Le manche, on en parle, le manche, il a du caca. Moi, j'ai jamais compris un truc, c'est pourquoi ils les vendent pas marron, les brosses à caca. Pourquoi ils les vendent blanc? C'est craint quand t'as des invités, tu vois qu'il y a. Mais oui, pourquoi ils les vendent pas noir? Ce serait beaucoup plus simple. T'en as un noir, ça existe. Mais pourquoi t'en as sur le manche? Quand tu peux pas passer derrière Sarah aux toilettes, il faut attendre au moins 15 minutes. Parce d'accord, il n'y a pas de problème. La vaisselle qu'il y a dans ta chambre, un jour j'ai fait tomber une assiette par terre de la vaisselle qu'il y a dans ta chambre, l'assiette ne s'est pas cassée, tellement la bouffe elle est dure. Les amis, ça conserve. Je crois que. Mais il y a des bêtes. Non, mais c'est grave. Non, vous avez vérifié s'il n'y a pas des animaux dans la moquette ou des trucs comme ça? Non, mais elle a bouché la salle de bain. La salle de bain, elle est bouchée avec ses cheveux. Avec ses cheveux, elle a réussi à faire un bouchon. Mais tu te moques de moi ou quoi? Sur le lavabo, les produits, ils vont carrément cristalliser sur le lavabo. Ça fait un hybride. Non, mais c'est vrai. Ça fait un hybride. Dans quel état il est, le truc? Les amis, je crois que je voulais dîner ce soir, mais l'envie est passée. Ah, j'ai plus faim, là. L'envie est passée. Fais un effort, Johan. Fais un effort. Ne laisse pas ça comme ça. Ouais, mais non, mais ça, c'est des allégations douteuses. Des allégations douteuses. Hey, j'ai envie de dire objection, votre honneur. Rejeté. Non, Johan, elle nous dit que des fois, tu t'essuies avec le rideau de douche. Non, oh là là, c'est une mytho, hein. Eh ben, dis-lui alors qu'il lui reste une partie du loyer à payer qu'elle n'a pas payé. Ouais, ah, oui, non, ça, ça c'est autre chose. Et la partie du loyer, Sarah? Ah, mais c'est pas pareil, je fais le ménage, c'est déduit. Je suis pas sûr que ça marche comme ça non plus exactement. Allez, sympa votre coloc. Allez, sympa, vous allez passer de très bons moments. Je vous embrasse. Bravo, Sarah, on repart avec une PS4. Elle va payer, mais ça c'est entre vous, ça ne nous. Regarde pas. Sarah, PS4, vous aussi, vous voulez dénoncer des choses, vous voulez qu'on vous file un petit coup de main, vous pouvez gagner des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a, Stouf? Rien. Pourquoi vous faites quoi? Pas de PS4, non. Je fais une connerie? Si, si, vas-y. Tu veux deux PS2? Non. Je me débrouille, moi, tant que ça fait 4 heures à la sortie, ça me va. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this. Ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh.

too vulnerable. That's not your fault. See, I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried. I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Say, what's the matter? What's the matter with me? What's the matter with me? Oh, I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me now. I wish, oh, wish, oh, wish, oh, wish I. Oh, wish, oh, wish, oh, wish, oh, wish I. And every time it gets too real, and every time I feel like sabotaging, I start running. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. C'est le best of the Koé sur Énergie. Je tiens à revenir maintenant sur ce qui s'est passé au club de rugby de Marcilly, près de La Rochelle. Le club de Marcilly devait affronter le club rochelais, charenté pardon, de Ruffec. Une rencontre qui n'a pas pu se dérouler parce que les poteaux du terrain ont été sciés pendant la nuit. Oh, qu'est-ce qu'il disait toujours l'autre ? L'enquête piétine. Les enquêteurs sont au point mort. Le juge d'instruction ne sait plus où donner de la tête. Ça est l'histoire du micro-volé au sixième étage d'Énergie. C'est deux affaires. Là, c'est deux affaires complètes. Là, la PJ, ils ont tout arrêté. Là, les gars, même l'antiterrorisme, les mecs sont tous dessus. Ils veulent trouver ce qui se passe. Le parquet, à feu et à sang. Les gars, nous avons le numéro du président du club de rugby. Je mène l'enquête. Voilà. Faut que tu trouves. Hein. On va essayer de savoir. Ça t'est scié. Mais non, mais c'est pas normal. Ah bah non. Ça, oui, ça a été scié. Oui, parce que ça tombe pas volontairement les poteaux. Hein, c'est pas la saison. Allô ? Oui, allô ? Vous êtes le président du club ? Oui, du club de Marcilly. Oui, eh ben bonjour, je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Comment allez-vous ? Ouais, bien le bonjour Koé. Bien le bonjour Patrick. Alors Patrick, je veux vous aider à mener l'enquête. Parce que ça, c'est pas normal. Ça se fait pas. Qui a scié, j'ai bien dit scié, les poteaux ? Non mais franchement... Non, mais... Je rigole maintenant, mais je rigolais pas dimanche, bien entendu. Qui a scié les poteaux ? Ben, on le saura. Je pense qu'on le saura jamais. La gendarmerie est venue sur place pour lever des empreintes. Ou est-ce qu'à mon avis, ça n'a pas donné grand-chose ? Et puis, mais voilà quoi. Donc, j'en sais pas plus. À l'heure actuelle, on n'en saura pas plus. En gros, vous êtes arrivé pour faire le match. Vous arrivez le matin et bam, les trucs sont par terre. C'est ça. Il n'y a pas eu de tempête dans la nuit. Non, il n'y a pas eu de tempête. Non, c'était fait à la disqueuse bien. Ah oui, d'accord. C'était bel et bien fait. Donc mais il n'y a pas de voisins Parce qu'une disqueuse... les voisins sont très loin, donc c'est assez compliqué d'entendre ce genre de choses. Ouais. Alors, j'ai plusieurs hypothèses. Première hypothèse, Patrick, ce sont les joueurs de Ruffec. Ils ne se sentaient pas prêts pour le match. Ils ont scié les poteaux. Ah oui, bah oui, bien sûr. Bah, bien, moi, c'est la première, bien sûr. C'est plausible. Moi, je serais enquêteur à la police de Marseille. J'ai enquêté là-bas. Près de La Rochelle, directement, j'enquête près des joueurs. Est-ce qu'on a fait cette vérification? D'accord. On l'a pas fait? Vous avez pas vérifié? Non, mais disons qu'ils sont un petit peu loin, ou alors ils ont fait les déplacements dans la nuit, ça leur a fait presque 3 heures de route aller-retour. Okay. Ça me paraît un peu compliqué, mais pourquoi pas? Patrick, deuxième hypothèse. Ce sont les frelons asiatiques. Ah, pareil, ouais. Qu'ils bouffent le métal, ils bouffent tout. Ils sont violents, hein. Non, du tout, non plus. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Non, du tout. Ok. On a fait appel au maire, monsieur Pinault. Donc, c'est pas le simple flic, mais c'est monsieur Pinault, simple maire. Simple maire. Attention. Troisième hypothèse. Les buts de rugby, c'est une forme de hache. Alors, c'est un mec qui veut se faire un héliport dans son jardin, il a pas envie de se faire chier avec de la peinture. J'essaie de trouver, les gars. J'essaie de participer. J'essaie de trouver. Ce qui serait bien, c'est de venir un petit peu à Marseille, si c'est possible, et puis qu'on essaie de constater un petit peu ensemble. Malin. J'aimerais vous voir un de ces jours quand je suis dans le coin. C'est quoi? Si je passe en one man dans le coin, les poteaux, ils sont toujours au sol? C'est la déprime? Ouais, quelqu'un les a remontés? Ouais. Non, c'est toujours au sol. On aurait pu nous les prendre pour le vendre à la ferraille. Attendez, un hache. Cyril, un hache. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des poteaux en face de l'hache. Hache Kabanouda, voilà, les gars, je vous sors de la racera. J'ai un salon. Le plafond, il est à 30 mètres de haut. Je vous prends ça, les gars, je mets ça dans mon salon. Il n'y a pas de problème, les gars. Voilà, il y a Cyril qui vous les prend. C'est bon, il les embarque. Je vous griffouille, les gars, et vive le rugby, vive le sport. Ah, j'adore ça. Le plaquage à la Mokhtar. Patrick, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse. Très bien, merci à vous. Embrassez tout le monde à Marseille, d'accord. Et n'oubliez pas de venir sur notre site www.despoteaux pour le mrc.fr. Vous faites bien de me le dire parce que j'ai oublié. À bientôt. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main. Si seules, quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main. J'étais perdu,

bitches. Bitches. Bitches. Gardez le meilleur de Koé. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Le 1er janvier prochain, il y a un hameau. Alors, c'est un petit village. Hein. Le hameau de la Lamberdée, qui est rattaché à Mouet. Mouet. Vous voulez devenir breton? Mouet. Au nord de la Loire-Atlantique, sera intégralement rattaché au Grand Fougeray, en Ille-et-Vilaine. Et donc, à Lamberdée, va être à cheval sur deux régions, deux départements, va donc basculer en Bretagne. Chaque matin, il y a un gars qui va quitter son domicile pour se rendre à sa ferme, s'il est cultivateur, 200 mètres à pied, et ben il changera de département. C'est ouf. Mais qui demande ça? Oui. Les alors, habitants? Je crois que c'est des petits rattachements administratifs, c'est comme ça, on leur demande pas trop leur avis. Canton et trucs comme ça. Ouais, mais enfin bon. Voilà, tu dois te battre pour 15 personnes. Hein. Tu m'en as trouvé beaucoup dans le village? Alors, très peu. Voilà. Ils sont trois. Ouais, on a huit numéros maximum. Combien t'as trouvé? 8. Voilà. C'est voilà. Vraiment de la petite, la petite commune. Du hameau, du hameau. Oui. C'est du hameau. On appelle. Alors, j'ai du Loïc. Vous êtes sérieux? J'ai Loïc, Loïc. Non. J'ai une femme. Loïc, Madame Loïc. Qui fait les fromages. Non, mais je vais faire Loïc. On va faire Loïc. On fait Loïc. Au hasard comme ça. Tu t'étouffes en riant comme le vieux. Toujours, oui. Tous. Comme le vieux qui meurt en mangeant une cacahuète. Tu vieillis mal, Jeff. Mal. On en parle pas. Il va falloir te remplacer comme le diesel. Il va falloir trouver un nouveau truc. Non, c'est vrai. Allô? Allô? Vous êtes Loïc? Oui. Oui, bonjour monsieur. Je suis Loïc Le Gouven, agent administratif de l'Ille-et-Vilaine à l'appareil. Oui. Voilà, je vous appelle. Vous êtes au courant qu'au 1er janvier, votre commune va passer sous notre juridiction? On a entendu parler de ça, oui. Ah bah donc c'est fait, monsieur. Hein, donc c'est officiel. Oui, bah les médias s'en sont pas mal occupés. Eh oui, monsieur, évidemment. Donc, vous avez basculé dans l'Ille-et-Vilaine, monsieur. Ok. Voilà, alors maintenant que vous êtes breton, monsieur, il y a donc deux, trois choses qui... Nous, on est breton déjà. Oui, mais là, c'est officiel, monsieur, parce que là, vous êtes à la limite. Vous étiez Loire-Atlantique jusque-là, monsieur. Non. Nous, notre maison, nous, elle est en Ille-et-Vilaine. Notre terrain est en Ille-et-Vilaine. En êtes-vous sûr, monsieur? Nous, on est juste à la limite, c'est-à-dire que... Il y a un ruisseau et notre partie, nous, elle est en Ille-et-Vilaine. Alors non, monsieur, parce que j'ai le cadastre là, le ruisseau n'est pas dans l'Ille-et-Vilaine, monsieur. Il est en Loire-Atlantique. Il va basculer dans l'Ille-et-Vilaine. Ah, vous pensiez que c'était déjà fait, monsieur ? Non. Non, monsieur. On sait que ça va avoir lieu dans la nuit du. Enfin, en fin d'année, dans votre décembre. Mais vous êtes dans la Loire-Atlantique, monsieur, pour l'instant. Mais non. Ah, si, monsieur. En Loire-Atlantique, j'en ai Non, non, votre terrain est en Loire-Atlantique, monsieur. J'ai le cadastre sous les yeux. Mais non, mais c'est pas possible. Si, monsieur. Je le saurais si j'étais en Loire-Atlantique, quand même. Ah, vous n'êtes pas breton, monsieur. Vous êtes dans un flou juridique depuis quelques années, mais vous n'êtes pas breton, monsieur. De toute façon, ça a peu d'importance pour moi d'être breton ou de Paul Lett. Oh, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ça vous touche. Mais là, monsieur, nous vous accueillons à bras ouverts. Vous allez devenir breton, monsieur. Mais non, mais puisque je vous dis que je suis déjà en Ille-et-Vilaine. Monsieur, je vous confirme que non, monsieur. Monsieur, j'ai le plan cadastral sous les yeux. Monsieur, je suis. Vous êtes agent administratif ? Moi, je le suis. Je suis assermenté. Donc, j'ai devant moi le plan. Je vous confirme, monsieur. Malheureusement, monsieur, vous n'êtes pas breton. Mais rassurez-vous, vous allez le devenir. C'est une bonne nouvelle. C'est un canular ou c'est non, monsieur. Non, monsieur. Donc, voilà, je voulais vous avertir à partir du 1er janvier, monsieur. Oui, bah. Donc, à partir de maintenant, vous ne dites plus bonjour, vous dites des maths. Vous le disiez avant ? Mais est-ce que vous le disiez avant ? Non, un, je ne le disais pas. Donc, vous n'êtes pas breton, et monsieur. Deux, je ne le dirai pas non plus. Mais vous n'êtes pas breton, monsieur. Hein, bon, on dit des maths. Ça va aller, oui. Est-ce que vous dites Kenavo, monsieur, pour dire au revoir ? Ça m'arrive quelquefois. Quelquefois, vous êtes quelquefois breton, là. Oui. Je suis breton puisque je suis à la limite de la Loire-Atlantique, d'accord ? Oui, vous êtes à la limite de la Loire-Atlantique. Et mon terrain, je vous affirme, vous avez peut-être le cadastre, mais moi j'ai les plans qui me disent que mon terrain est en Ille-et-Vilaine, d'accord ? Monsieur, vous êtes à la limite, monsieur. Je paye mes impôts en Ille-et-Vilaine, il n'y a aucun souci. Monsieur, je suis d'accord avec vous, vous êtes à la limite de la Loire-Atlantique, mais côté Loire-Atlantique. Non ! Si ! Mais puisque je vous dis que non, moi. Je vous dis que c'est depuis 5 minutes. Bon, allez, on va pas se prendre monsieur, la tête. Monsieur, non, on va pas le faire. Est-ce que vous dites hier mat ? Ça va. Non, je le dis pas et je ne le dirai pas. D'accord ? Pourquoi vous le direz pas, monsieur ? Parce que vous êtes breton, faut le dire. Mais ça va, ouais, je suis français, moi. Je suis. Voilà, point. Oui, mais il faut parler la langue bretonne, monsieur. C'est une langue vivante, faut la parler, vous le savez comme moi. Oh, bon, Bon, j'ai autre chose à faire. Je vous informe que votre boulanger vendra plus de pain, par contre. Hein. Crêpes et Queen Yaman. Il n'y a plus de pain. Ouais. Bon, allez, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez mettre une statue de Sainte-Nolwenn dans votre voiture qui pend en rétro ? On va faire mieux que ça. On va faire mieux que ça, d'accord ? Et n'oubliez pas de chanter l'hymne de la Bretagne ? Oui, allez vous faire foutre. Dans la vallée, de Dana, la lilala, dans la vallée. C'est bien. Vous connaissez les paroles ? Oui, allez. À bientôt. Vous connaissez les paroles ? Oh, vous n'êtes pas breton. Il était énorme, ce plaisir. Je suis breton. Je t'ai dit que c'était tendu. J'y suis. J'y suis sur le terrain. J'ai le plan, monsieur. Je ne le dirai pas. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne vois pas. Je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne que j'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. Évidemment, on va laisser parler le temps. On a assez haussé le ton. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si je te mens, c'est pour notre bien justement. Ne me juge pas sur le moment ou sur ce que me font faire mes démons. Est-ce que tu te vois expliquer tout ça à nos parents? Laisse-moi espérer que ça s'arrange. T'as oublié tout ce qu'on se disait. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. N'arrête pas la guerre à cause d'une bataille. On n'arrête pas à cause d'une entaille. Je sais que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Pour dire que je ne t'aime pas, donc qu'est-ce qui ne va pas? Et tu me tournes le dos pour t'en aller.

j'avais plus d'ulcère, hein. Oui. Et Jackie, sans vouloir, on était tous les deux dans la cuisine, et puis bon, avec M. Godard, il était tout seul, avait... Jackie. Il était tout seul, Jackie. Hein? Il n'y avait pas Michel. Non, c'est Jackie. Oui, mais il n'y avait pas Michel avec vous. Non, non. Ah bon, bah sinon. Et donc, dans la cuisine, qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de faire de la blanquette, alors moi j'ai mis les légumes, puis lui a comme bougé, et avec la chaussure, il m'a... Écoutez, j'ai tellement mal que je peux pas marcher parce que je crois que... Mais quel rapport avec la blanquette? Hein? Quel rapport avec... quel rapport avec la blanquette? Rapport à la blanquette. Oui, quel rapport avec la blanquette? Comment? Je dis, quel rapport avec la blanquette, hein? Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai levé mon pied, et lui a levé son pied, puis moi, je passais au moment. Ah oui? Alors, avec la chaussure, et comme j'ai une peau tellement fine, alors je me suis fait même mal à la veine. C'est juste la veine qui passe. Oh là là, oh, ça fait mal, ça. J'ai saigné, saigné. J'ai attrapé... Ben pendant une heure, j'ai appuyé dessus. Oui. Et après j'ai téléphoné à l'infirmière. Ben quand même, au bout d'une heure, oui. Et ah alors oui, elle m'a fait ce qu'il faut. Oh, j'ai du mal à marcher. Ben ouais, oh, c'est embêtant, hein. Oh oui. Et la blanquette? Ah, la blanquette, il l'a mangée. Il adore ça. Et ça lui a pas coupé l'appétit, à Jackie? Oh mon Dieu, non. Il n'en avait rien à faire, il a mangé la blanquette quand même. Et alors? Oh là là, bah, je suis sûr que toi tu lui as dit « Oh, j'ai mal » et lui il a mangé. Oh, c'est moi qui ai mal. Ben oui, ce que je disais, toi tu as dit « j'ai mal ». Parce qu'il aime bien ça, comme ici j'ai fait aujourd'hui de la soupe légumes, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Et ben il a mangé à midi. Oui. Ici il y a encore un morceau de lard. Oui. Dedans, il a fumé. Oui, il dit que c'est maman, jette pas, il dit je mange au soir. Ah bah si, alors là. Bah alors ça c'est bien. Alors tant qu'il a mangé, c'est le principal, hein. Oh, il mange beaucoup, hein. Vous en faites pas. Parce qu'à un moment, je pouvais. Moi, c'est, comme ça, j'ai pas mal nulle part. Bah, mais je suis faible. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis faible. Il mange beaucoup, il va grossir, hein. Oh, j'arrive pas. Je me lève au matin. Non, je disais, Jackie, il va grossir. Oh ben, hey, il se gêne pas. Alors, comme je pouvais pas aller, que je suis faible, je dis... Annie, il y a une amie qui est venue. Madame. C'est ça, ma cousine Thérèse. Madame. Et puis, elle a resté là-bas, puis elle est venue chez moi. Parce qu'il y a des papiers à faire. Madame. Alors, elle a été me chercher des courses avec lui. Madame. Alors, monsieur se prend de la langue en boîte. Des jambonnets. Je veux dire que c'est pas la personne à qui vous pensez. Madame. Annette. Madame. Elle est crainte, hein. Oui. Mais enfin. Voilà. C'est pas Annette au téléphone. Et qui? C'est Coé. On est sur Énergie. On sait pas qui c'est. Ah bon, 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, but in a second you'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, you you'll be saying no, then saying yes, 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it, no.

tous, bienvenue, c'est Mickaël sur Énergie, tous les soirs, juste après le best-of de Koué pendant toute la semaine. Nous sommes en direct. On est en décembre. Noël arrive. C'est une fête magique. On célèbre l'amour, l'amitié, la joie. Noël, c'est féerique. La joie, la bonne humeur, la famille. Toutes les nuits, ils sont là. Ils sont là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. Ils terminent l'année en beauté. La vie est un combat. Une lutte entre le bonheur et le malheur a lieu. Tous les soirs, choisis ton camp. Tu aimes sourire et tu aimes rire. Tu es le bien. Tu es mauvais. Et tu te plains. Tu es le mal. Essaie de finir 2018. Une année mouvementée. Beaucoup de rire et d'amusement. Des problèmes et de grands moments. Oh, vous êtes génial. Ça se termine bien. Et heureusement. Sans conflit et calmement. Et pourtant, après avoir subi des problèmes, des changements d'horaire, de grosses galères, des changements de studio, des changements de pays, des galères d'argent, une expulsion, une révélation. L'année se termine. Mickaël et toute la team vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. Mickaël officiel. Bonsoir à tous, ça y est, 20h01, on est en direct, 25 décembre aujourd'hui, Christmas Day. Et voilà, Amina qui est encore arrivée avec une gueule jusque par terre en mode j'en ai marre des fêtes, j'en ai marre, faut que ça s'arrête. Pas du tout. Et voilà, la bonne joie, me dit la joie et la bonne humeur, connard. Ah oui, jamais. Non, mais par contre, j'avoue que je commence un peu étonnamment à en avoir marre de Noël parce que là, ça fait 4 jours de festivités. Noël cette année, c'est un mariage rebeu, quoi. Non mais c'est vrai. T'as pas forcé. Non mais je sais, mais je sais pas comment je me suis organisée, mais vas-y. Bah mal, hein, a priori. 4 robes, tout le bazar, 4 jours de fête. Heureusement que je t'ai offert un pull hier. C'est vrai. Ah, que tu as pu mettre, j'espère. Bah vous... je l'ai porté hier, mais du coup il est à la machine là. Pour les gens qui connaissent un peu, vous avez bien vu qu'elle avait quand même visé les Marocains, l'histoire des 4 robes, les 4 jours et tout. C'est 7, hein, je te rappelle. Ah ouais, oui. Je savais pas. Si, ouais, en plus, oui. Christophe va bien, comment va Marie? Puisque ce fut le dîner de Noël aujourd'hui, le repas de Noël à midi. Très bien, elle va très bien. Comment va le gigot? Bah écoute, il était très bon. Bon, bah tant mieux. Elle était déçue que Polo ne soit pas venu. Mais bah, tu m'as pas invité. Bah ah, si, j'étais témoin hier soir, il était invité. Hein. Ah, merci. Bon, en dernière minute, certes. Je suis en train de pisser à la dernière minute, j'entends Amina qui dit: alors comme ça, tu vas manger du gigot? Bah oui. Et Toff se barre, et enfin non. Et là, Amina m'explique: si on m'avait invité directement, je serais venu. Bah écoute, bah, je lui dirai. Bah, bah voilà, pour l'an prochain. Voilà, pour l'an neuf. Donc Polo va bien? Ça va très bien. Non. En pleine forme. Hein. En pleine forme, comme d'habitude. Et puis nous aussi, bah voilà. Le nouvel an. Si vous voulez. Non. Si vous voulez parler avec nous, eh bien ce soir on est là comme d'habitude. 01 40 71 5000, je dis comme d'habitude. Alors d'habitude on est là à 23h. Là, Emeric est en vacances avec toute l'équipe, donc du coup on démarre plus tôt. Et donc entre Noël et Nouvel An, eh bien on est là entre 20h et minuit. On récupérera notre horaire entre 23h et 3h dès la semaine prochaine, évidemment. Normal à la place, à notre place. On écoutera dans un instant le son de 3 cafés gourmands sur Énergie. Il y aura aussi Lady Gaga avec Bradley Cooper. Je vous mettrai Soprano avant 21h. Il y aura peut-être aussi une enceinte connectée à gagner avec le double hit énergie, l'Amazon Echo, que vous allez pouvoir remporter si vous entendez deux sons de DJ Snake. Vous allez devoir être le premier, enfin en tout cas un des premiers à appeler au 3937 pour repartir justement avec ces cadeaux. C'est plutôt pas mal. On va également jouer au jeu du Partons pas fâchés, le jeu des trois mensonges. Ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas, le chrono quiz. Oh non. Grand jeu du mardi soir, the world famous chrono quiz. En général, ça part en vrille aux alentours de 1h50 du matin le mardi, enfin dans la nuit de mardi à mercredi. Et bien là, ça partira en couille un petit peu plus tôt, vers 22h50 à peu près. Donc si vous voulez jouer avec nous au chrono quiz, je vous expliquerai les règles au fur et à mesure de l'émission, bien sûr. Mais vous pouvez vous inscrire, cela dit au passage, dès maintenant au 01 40 71 5000. Anil qui nous dit 20h, c'est parti, prêt pour vous écouter jusqu'à minuit. Salut Anil. Salut à Sophie aussi qui nous souhaite un joyeux Noël. Merci Sophie, joyeux Noël à toi ici, gros bisous. Amandine, pareil aussi pour le joyeux Noël. Bonne fête les amis, merci à toi. Et Pat de Charleroi, hello les stars, je suis bien là ce soir pour vous écouter. Salut Pat de Charleroi, il y a même Charles qui est avec nous maintenant à Strasbourg. Bonsoir Charles. Bonsoir. Comment ça va? Un peu mou là. Ça va. Bah, il a le droit après, retour de fête, voilà. D'ailleurs, dites-nous hein, ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez fêté Noël dignement ou pas? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez reçu des cadeaux pourris que vous souhaitez échanger? Sachez que c'est possible ce soir. Si vous avez reçu un cadeau, je sais pas moi, un bloc-notes par exemple. C'est un beau cadeau, il y a pire. Ah ouais, bah ouais, il y a pire. Moi j'ai un pote qui a reçu des cuillères.